Il contemplait son gros ventre, enfin rempli. Repu, il s'allongea sur le lit en se disant qu'après tout, il avait bien mérité une petite sieste. Il s'endormit et se mit à ronfler de plus en plus fort. Un chasseur qui passait par là remarqua un bruit étrange. Il se demanda comment la vieille femme pouvait ronfler aussi fort. Intrigué, il poussa la porte de la chaumière et découvrit le loup profondément endormi dans le lit de la vieille dame. Comme il épaulait son fusil pour abattre l'animal, il réalisa que le loup avait dû manger la grand-mère. Peut-être était-il encore temps de la sauver !